travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Un drapeau pour le symbole, des militaires pour montrer la détermination du président bolivien. Evo Morales s'est rendu lui-même dans une raffinerie de San Alberto. Sa décision est prise. Il vient de signer un décret dépossédant les compagnies privées de leur droit d'exploiter gaz et pétrole sur le territoire bolivien. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. La Bolivie, cet état enclavé au centre de l'Amérique latine, attire la curiosité. Une curiosité qui s'est ravivée l'an dernier, en 2019, lorsqu'Evo Morales, son président depuis 2006, s'est trouvé brutalement contraint de quitter le pouvoir et de s'enfuir en exil. Ce fut l'occasion de rappeler qu'à l'exception du Mexicain Juarez dans les années 1860, il s'agissait là du seul Amérindien qui ait accédé à la tête d'une nation de ce continent. La majorité de la population de la Bolivie est d'origine indienne à proportion de 55% environ, et cette majorité vient d'être ainsi représentée à la tête du pays par l'un des siens. Mon invité, Yves Saint-Jour, historien et diplomate, connaît le passé et le présent de l'Amérique latine mieux que quiconque. Je vais donc mobiliser sa compétence en remontant avec lui jusqu'au temps lointain d'une civilisation antérieure même à l'Empire Inca. Ce sera pour considérer les effets de la colonisation espagnole, la nature d'une indépendance acquise par l'épée de Bolivar, dont le nom est ici perpétué, les guerres effroyables qui ont amputé ce territoire en lui coupant l'accès à l'océan, les conséquences politiques et sociales de l'exploitation des richesses du sol, l'argent, l'étain et le pétrole, la place enfin de la coca, essentielle depuis toujours. On sait aussi qu'au milieu du XXe siècle passe l'ombre de Che Guevara, puisqu'il trouva là la mort que chacun connaît et qui le transforma en figure christique pour plusieurs générations. Voici donc la Bolivie, entre caudillisme et indigénisme, entre repli sur soi et affirmation d'une vocation universelle, entre violente lutte de classe et aspiration à une modernité démocratique. Une Bolivie dont la spécificité ne peut pas se comprendre sans que soit restituée une histoire qui est lourde de malheurs, mais qui est riche aussi d'expériences qui portent l'espoir. C'est un territoire composé de hauts plateaux comme l'Altiplano, dont l'altitude varie de 3000 à 4000 mètres, de hauts plateaux qu'encadrent les chaînes des Andes, hauts de 6000 à 7000 mètres. À l'est, ces plateaux s'abaissent vers le bassin des affluents de l'Amazone, c'est la région des Llanos fertiles. En quelques heures, par d'invraisemblables routes en lacets, on quitte les terres élevées, en général stériles, on dépasse les monts couverts de glace, et l'on débouche dans des plaines à la végétation tropicale. D'ailleurs, si vous aimez les émotions fortes, je vous conseille de prendre place dans un car bolivien qui descend le flanc oriental des Andes. Avant la descente, on s'arrête en face d'une petite chapelle. Le chauffeur va prier la Vierge. Il la prie de lui permettre d'arriver en bas. Les passagers en font autant. Puis le car s'élance à tombeau ouvert sur la piste en tire-bouchon. Et le miracle se produit, on arrive en bas. La Vierge d'ailleurs est le grand régulateur de la circulation en Amérique latine. Je vous prie de croire qu'elle a fort à faire. Et dans certains autobus plus modernes, il y a près du chauffeur une image ou une statuette de la Vierge éclairée par une petite ampoule électrique. Cela permet de ne pas descendre de voiture pour prier, on s'agenouille dans le car. Yves Saint-Jour, bonjour. Bonjour. Je vous ai proposé pour ouvrir notre conversation une archive qui remonte à juillet 1953. C'était une émission de Pierre Desgroupes et nous avons entendu la voix de Max-Paul Fouché. J'ai souhaité que, de la sorte, nous entrions directement dans le paysage bolivien, dans sa réalité géographique et peut-être aussi affective avec la religion. Ben absolument. Dès ces premiers mots, on comprend comment est fait l'espace bolivien. C'est très important. Et Finalement, ce petit reportage en dit beaucoup, puisqu'on voit les hauts plateaux, c'est là que se sont concentrés les hommes depuis toujours. Mais aussi, on voit qu'il y a un Piémont amazonien, un Piémont de vallée chaude, qui aujourd'hui représente la moitié du territoire de la Bolivie. Et puis, il y a évidemment de l'autre côté un Piémont occidental, qui est celui de la côte. Ça n'est pas du tout anodin de parler de ça, parce que toutes les civilisations qui se sont développées ont toujours veillé à essayer de contrôler les différents étages écologiques et les différents espaces entre la mer, la montagne et les basses terres orientales. Une devise du pays semble être « l'union fait la force ». Apparemment, on a besoin d'union compte tenu de cette diversité. En tout cas, les premiers habitants et les cultures et les civilisations qui se sont développées ont essayé toujours de contrôler ces différents espaces, ces différents échelons, et notamment sur le plan agricole, puisque effectivement, entre les plus hautes terres, qui ne sont pas complètement stériles, hein, puisqu'il y a quand même là des lieux où pèsent eh bien, notamment les camélides des Andins, et ces basses terres, eh bien, il y a toutes les gradations de l'agriculture. Et évidemment, dans la longue histoire de ce pays, il y a la coca dans les basses terres. Avec la ville principale, qui n'est pas la capitale c'est Sucre, la capitale administrative, mais la ville principale c'est La Paz, qui est la plus élevée du monde. Ben oui, ça fait... Les villes principales. Absolument, le centre de La Paz est à 3600 mètres, son aéroport est pratiquement à 4000, et le bas de La Paz, ce sont les quartiers résidentiels, c'est à 3200. Donc on est vraiment dans un lieu très élevé, sachant que l'altiplano s'étage entre 3800 et 4000 mètres. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle El Alto, c'est-à-dire la ville qui est en haut de La Paz, c'est une ville d'un million d'habitants. Et vous pouvez témoigner, parce que vous avez dirigé, Yves Saint-Jour, l'Institut français d'études andines dans les années 80, que pour vivre là, il faut s'habituer. C'est un peu difficile au début. C'est un petit peu difficile au début. Plus difficile d'ailleurs qu'ailleurs, parce que personnellement, j'ai aussi vécu à Quito, qui est à 2800 mètres en Équateur. Et là, l'accoutumance est beaucoup plus facile. On s'acclimate plus aisément. À La Paz, à 3600 mètres, c'est plus compliqué. Il y a souvent des gens qui ont le soroche, c'est-à-dire ce mal des montagnes, qu'on arrive à vaincre parfois en prenant un peu d'infusion de coca. Nous y reviendrons, nous y reviendrons. L'usage est de dire en Bolivie que c'est un pays méditerranéen, mais ça ne veut pas dire au centre, ce n'est pas une mer. Au contraire, on est privé de mer, cela veut dire que c'est un pays qui est au centre des terres, qui jouxte le Paraguay, l'Argentine, le Chili, le Pérou et le Brésil. Mais absolument, c'est un pays central, et effectivement, qui est enclavé, comme vous l'avez dit, puisque avec le Paraguay, c'est le seul pays de cette Amérique du Sud à ne pas avoir de débouché sur la mer, et ça a d'ailleurs donné dans le dernier siècle une histoire un tout petit peu d'enfermement. C'est un pays très central, très finalement articulé aux autres. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, on y reviendra aussi peut-être, Che Guevara avait choisi cet endroit pour essayer de développer un foco, d'un foyer révolutionnaire. On est fiers aujourd'hui en Bolivie, c'est un élément essentiel quand on entame une conversation comme la nôtre sur le poids de l'histoire dans la Bolivie contemporaine. La Bolivie est fière d'être héritière d'une très ancienne civilisation qui remonte même avant l'Empire Inca, la période de Tiahuanaco. C'est effectivement dans la succession des différentes civilisations, des différents États qui commencent assez tôt. Pour essayer de caler les idées, il faut se mettre à partir des années 400-500 de notre ère, en disant bien qu'effectivement notre ère, à cette époque, n'avait aucun contact avec l'Amérique. Eh bien, c'est là que se développent des États, et notamment un État très puissant, qui est l État de Tiahuanaco. On est vers l'an 1000. C'est ça, on est vers l'an 1000, et il y en a un autre qui est plus au nord, qui est l'État de Huari, mais cet état-là est très important et il va disparaître en 1200 environ. Et ce qui fait que, en réalité, les Incas qui viennent après n'ont une connaissance de l'état de Tiahuanaco qu'archéologique. Parce que quand ils arrivent, quand ils s'installent, quand ils s'imposent, l'état de Tiahuanaco a déjà disparu. Tiahuanaco a eu une grande importance et a eu une singularité aussi. Puisque il semble que Tiahuanaco, qui est un endroit très proche du lac Titicaca, hein, juste à côté du lac Titicaca, a été une très grande ville. Mais la fondation légendaire des Incas se fait sur le lac Titicaca, qui est aujourd'hui la plus haute mer intérieure navigable du monde. C'est absolument là, c'est-à-dire que... 3800 mètres. 3810 mètres et 10 000 km², c'est le plus grand que la Corse, vous voyez, le lac Titicaca. Qui appartient pour moitié à la Bolivie. Pour moitié à la Bolivie et pour moitié au Pérou. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est... dans la partie bolivienne, en quelque sorte. C'est-à-dire que, quand même, les Incas, leur histoire commence dans ce qui est aujourd'hui la partie bolivienne, même si le centre de l'Empire Inca n'est pas là, il est au Cusco, c'est-à-dire au Pérou, ça n'est pas très loin, c'est à quelques centaines de kilomètres, mais c'est là que, dans la tradition, apparaissent un certain nombre de choses, d'ailleurs tout à fait extraordinaires, puisque ces choses vont donner, en quelque sorte, naissance à la religion des Incas, à leur organisation, et puis à quelque chose d'autre aussi, qui est la façon dont nous voyons tout cela. Pourquoi ? Parce que, entre-temps, il y a eu les conquistadors espagnols, il y a eu les évangélisateurs espagnols qui ont regardé tout ça avec l'œil de l'évangélisateur et qui ont essayé d'y trouver quelques anticipations providentielles du christianisme. On ne peut pas être insensible néanmoins au fait qu'aujourd'hui encore, la cosmogonie des Indiens est encore présente. On en trouve même une mention, je le voyais dans la nouvelle constitution, à l'article 30, disant qu'elle contribue à définir les peuples indigènes antérieurs à la colonisation espagnole. Absolument. Et d'ailleurs, Evo Morales, dont on reparlera, son premier discours, c'est à Tiahuanaco qu'il le fait. C'est-à-dire il s'inscrit dans une longue durée qui est celle, effectivement, de ce passé, alors qu'il y a des aspects, bien sûr, mythifiés, mais qui est aussi le passé de ce pays, même si son emprise géographique n'était pas exactement celle-là. Et après, tout l'effort qui va être fait dans les dernières années, ça va être effectivement de réincorporer cette cosmogonie, la Pachamama, effectivement, la mère-terre, en réalité, d'ailleurs... C'est plus que la Terre, c'est le temps, c'est l'espace, c'est toute une espèce de vision du monde qui est concernée. Et une idée quand même finalement assez importante et qui est devenue à la mode sur d'autres sujets, c'est que dans la pensée andine, au fond, tous les êtres, c'était des personnes dotées d'une intériorité. Et malgré le temps, malgré l'évangélisation, malgré l'ensemble des acculturations, des choses se sont conservées. Alors dans le syncrétisme contemporain, évidemment la marque espagnole est forte, c'est le moment de la conquête coloniale qui, en termes religieux, vous le disiez, impose ou s'efforce d'imposer le christianisme, en termes politiques, crée une noblesse indienne qui perdure encore jusqu'à aujourd'hui et qui continue, je crois, de dessiner avec le peuple des fractures, des marques de différence qui comptent et qui pèsent. Oui, la conquête espagnole n'a pas été identique partout entre le Mexique et puis le sud du continent. Au Mexique, il n'y a pas cela. Il n'y a pas ce maintien, ce développement d'une noblesse indienne. Dans la partie du Pérou et du Haut-Pérou, puisque la Bolivie correspond à ce qu'on appelle le Haut-Pérou à cette époque, eh bien effectivement, il y a une relation qui se fait avec ces Incas, considérés comme la noblesse Inca, et les différents lignages, et donc la construction d'un dispositif social, de domination sociale, où les anciens Incas deviennent partie prenante de la domination coloniale. Ils sont caciques, ils gouvernent d'autres Indiens, ils les régissent en quelque sorte et ils sont intégrés à la logique coloniale. C'est un élément très important parce que ça va être l'un des éléments de la du contrôle social pendant très longtemps, y compris dans les mines, et puis du contrôle politique. Et ça a été fait avec des alliances. Pissarro, le fameux Pissarro, Atahualpa... Pizarro. Oui. Atahualpa est tué, il va épouser l'une des épouses sœurs. Parce qu'il y avait... Atahualpa, c'était le prince Inca. Le prince Inca. Enfin, il y a une guerre civile, c'est assez compliqué, mais en tout cas, Atahualpa est le prince Inca. Pissarro le fait prisonnier à Cajamarca, dans le nord du Pérou, et finalement, il le fait exécuter, et il épouse sa veuve-sœur, qu'on va renommer Andrelina. Et donc, il y a toute une logique d'alliance qui se construit avec cette noblesse incaïque, et ça va durer jusqu'à l'indépendance, en réalité. Parce que les caciques incas, héritiers des Incas, vont avoir une importance très grande et ils finiront, certains d'entre eux, par se rebeller. Par exemple, Tupac Amaru. Vous parliez des mines, Yves Saint-Jour. Les mines d'argent du Potosí ont une grande importance dans l'histoire de la Bolivie jusqu'aujourd'hui et une grande importance dans l'histoire mondiale de l'économie puisqu'elles viennent fournir de l'argent en Espagne et créer par conséquent un mouvement d'inflation qui est de grande importance. Mais du point de vue précisément de la Bolivie, c'est une histoire très dure. Écoutons cet extrait d'une histoire du Nouveau Monde de Barnabé Cobo, qui est un missionnaire jésuite espagnol, un texte de 1653 lu par Nathalie Lester dans la matinée des eaux de Gregorio Mansur sur France Culture le 9 janvier 1996. Les mines de Potosí. Potosí, la montagne d'argent. Les montagnes qui renferment les mines regorgent de cavités ressemblant à des cavernes, à la tanière d'animaux sauvages, qui descendent au cœur de l'abîme à 100, 200 stades de profondeur et davantage, là où les hommes qui extraient et remontent les métaux ne savent pas quand il fait jour ou nuit. Ils s'éclairent avec des bougies de suif, travaillent sans relâche, se relaient pour que les uns se reposent pendant que les autres les remplacent. Ils fournissent d'énormes efforts, parce que, en plus du fait qu'ils ne bénéficient pas de l'air pur et frais qui souffle à la surface de la terre, ils respirent celui lourd et vicié des chandelles et des vapeurs mêlées que dégage le minerai, souvent nuisible à la santé, et d'une odeur pestilentielle, car certains proviennent de la pierre de soufre. C'est une grande fatigue que de briser la roche avec des barres en fer si lourdes et de porter si longtemps d'affilée sur le dos les métaux sur des escaliers si dangereux qu'un homme qui ne porte pas de charge éprouve toutes les peines du monde à les gravir. Sans parler de celui qui porte 2 ou 3 arobes, un arobe équivaut à 11 kilos environ, et une chandelle pour s'éclairer, traînant son corps comme une couleuvre dans des passages souvent très étroits. Le plus terrifiant, ce sont les éboulements dans les galeries qui ensevelissent si profondément les pauvres Indiens qui travaillent à l'intérieur et qui sont le plus souvent les rouages de ce système. Et qu'arrive-t-il si la mine débouche sur de l'eau dans les profondeurs? C'est là une tâche si insurmontable qu'on ne peut la mener à bien, et c'est pour cette raison qu'on cesse d'exploiter de nombreuses mines riches en gisements dans ce royaume et en Nouvelle-Espagne. Histoire du Nouveau Monde de Bernabé Cobo, 1653. Vous êtes descendu vous-même, Yves Saint-Jour, quand vous étiez responsable de notre activité culturelle dans cette partie du monde. Vous êtes descendu dans les mines et vous en avez gardé un souvenir assez terrifiant, si j'ai bien compris. Oui, je le reconnais. C'était en 1989, si je me souviens bien. Je suis descendu dans une petite mine, dans une mine privée. Parce qu'il y a deux catégories de mines. Oui, parce qu'après, il y a eu des plus grandes mines, plus industrielles, et puis il y avait eu la nationalisation, il s'est passé beaucoup de choses, dont on dira peut-être un mot. Mais il y a encore beaucoup de mines privées, et là, on était absolument fascinés, frappés et effrayés, parce que, après être entré dans une galerie assez grande, où il fait un froid terrible, petit à petit, on entre dans des galeries de plus en plus étroites, avec des escaliers, il fait de plus en plus chaud, il fait bientôt une chaleur insupportable, Et il ne faut pas oublier qu'on est à 4000 mètres, hein, parce que Potosi, c'est à 4000 mètres, et on suffoque, et on a peur, pas seulement parce qu'on est claustrophobe, mais tout simplement, on a peur et on s'imagine, vous vous rendez compte, quelques siècles après, dans des conditions de sécurité incomparables, on s'imagine ce qu'a pu être la vie de ces Indiens. Trois siècles après le jésuite que nous venons d'entendre. Absolument. Et je pense que la vie des mineurs, des petits mineurs en quelque sorte, à ce moment-là encore, était très difficile. C'était l'enfer en vérité. Et c'était comme un enfer. La bouche de l'enfer, dit un des chroniqueurs de cette époque. C'est à la fois le centre de toutes les richesses. Vale un Potosí, dit Cervantes. Ça vaut un Potosí. Quand on veut dire que c'est vraiment l'or, en réalité c'est l'argent, là, l'argent du Pérou, mais en même temps c'est la bouche de l'enfer. Et c'est vrai que des milliers et des milliers d'Indiens, sous le régime de ce qu'on appelle la mita, c'est-à-dire le travail forcé, avec des rotations venant de toutes les régions autour, vont circuler et travailler dans ces mines pour un travail exténuant et qui, non seulement les tuait par le travail forcé, mais aussi les tuait par les conditions dans lesquelles tout cela se passait. Eux et les autres mineurs qui travaillaient ailleurs, par exemple au Pérou, à Huancavelica, où on extrayait le mercure. Alors là, beaucoup plus dangereux encore quand vous aspirez ces vapeurs, etc., qui servaient à l'amalgame permettant de faire l'argent. Donc à partir de 1545, c'est la découverte des mines de Potosí. On avait déjà des mines autour, et puis ça va monter, ça va devenir très fort. Et au début du XVIIe siècle, c'est une des plus grandes villes du monde, Potosí. C'est une ville comme Amsterdam, comme Séville, comme Londres. C'est à 4000 mètres d'altitude, évidemment une économie très particulière. Mais pour nourrir ces Indiens, pour faire fonctionner les choses, eh bien, il y a un commerce des textiles, il y a une production de chandelles, on a entendu parler du suif, il y a tout ce qui fait une grande ville, des commerçants, des contrebandiers, beaucoup de contrebandiers. Il y a un contrebandier français assez célèbre qui s'appelle Acarrette, qui était en réalité un basque, qui vient dans les années 1650. Et on voit bien, alors il a écrit son récit qui a été publié, et on voit bien qu'il a fait de la contrebande d'argent. On ne sait pas très bien comment il a fait, mais enfin il a fait. Donc des contrebandiers, des commerçants, des prostituées, c'est une énorme ville, tout à fait incroyable. Donc toute l'économie en fait est centrée autour de cet argent qu'on appelle parfois de l'or. Quand Alcide d'Orbigny, qui est un naturaliste, paléontologue, grand voyageur en Amérique du Sud dans les années 1820, vient en Bolivie, il dit que ce serait un mendiant assis sur un tas d'or. Oui, parce que la situation n'est plus tout à fait aussi bonne qu'au début du XVIIe siècle. Et puis on est maintenant dans le moment le plus compliqué, c'est-à-dire au moment de l'indépendance et des suites de l'indépendance. Il va voyager dans les années 20 et 30 du XIXe siècle. L'indépendance, c'est entre 1809 et 1825. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que effectivement, il y a des richesses énormes, et puis il y a cette pauvreté et cette condition de vie des Indiens. Et ce qu'il dit est très juste, parce que l'essentiel de la population est dans cette situation, et il y a des riches, et ça va durer jusqu'au milieu du XXe siècle, et même à la fin du XXe siècle. Alors on comprend, Yves Saint-Jour, que dans cette Bolivie telle que vous la décrivez, surgissent des révoltes sociales, des révoltes ethniques. Et la plus célèbre, c'est celle de Tupac Katari, hein, entre 1775 et 80 à peu près, qui vient prendre la figure d'un chef de cette révolte. Il prend d'ailleurs un nom qui n'est pas indifférent, c'est un surnom. Oui, parce qu'effectivement, il reprend le nom des Incas. Il y a une filiation incaïque et Tupac Katari, voilà. C'est les révoltes. Alors, un mot là-dessus, c'est-à-dire, dans les années 1760, la monarchie espagnole réorganise son empire pour essayer d'en tirer plus d'argent et pour essayer aussi de le contrôler politiquement davantage. Et par exemple, ce qu'on appelle l'audience de Charcas, c'est-à-dire le Haut-Pérou, qui était sous l'autorité du vice-roi de Lima, passe sous l'autorité du vice-roi de Buenos Aires. Et puis il y a des réformes de rationalisation, des réformes absolutistes, bourboniennes, qui sont mises en place. Et là, évidemment... Sur le terrain, naturellement, elles sont très dures à vivre. Elles sont très dures à vivre. Il y a des questions d'augmentation du tribut. Il y a des questions... Parce que les Indiens payent un tribut. Et donc, il y a de grandes révoltes dans le Pérou lui-même. Ça, c'est Tupac Amaru. Mais en réalité, les plus nombreuses révoltes, elles ont eu lieu plutôt sur l'espace bolivien actuellement, et notamment la révolte de Tupac Katari. C'est une figure qui, aujourd'hui encore, Tupac... Katari est symbolique, à laquelle naturellement Morales s'est beaucoup référé à plusieurs reprises, et sa révolte se termine dans le sang. Absolument. Il est exécuté dans des conditions atroces, sa femme aussi, sa sœur. Voilà. C'est à sa femme que rend hommage, je vous interromps un instant, Luzmila Carpio, une chanteuse bolivienne. Je vais vous faire entendre une chanson d'elle, évoquant cette belle figure à laquelle elle se réfère, non sans signaler en passant qu'elle a été ambassadrice à Paris, cette chanteuse, pendant 4 ans, dans les années 2000. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Que nous dit-elle en quechua? Vous allez nous traduire, à moins que ce soit de l'émara. Il y a 37 langues en Bolivie. Vous nous traduisez, puis un jour... Oh, je vais avoir un peu de mal. Je crois que c'est du quechua, mais j'espère ne pas me tromper. Elle évoque la personnalité de Bartolina Sisa, qui était l'épouse de Tupac Katari, et qui a été martyrisée aussi en 1782, comme son mari, comme sa sœur aussi. Et donc c'est effectivement une très grande héroïne, et ça d'autant plus que l'histoire, telle qu'on a pu l'écrire, montre que c'était une personnalité tout à fait hors du commun, et une stratège en réalité. Elle a été importante dans la conduite de la guerre, et dans un premier temps, cette guerre a fonctionné auprès de Tupac Katari, qui lui était effectivement un tributaire et un vendeur de coca. Il le dit lui-même, je suis un vendeur de coca. Nous reviendrons sur la coca. Tout à fait. Tout à fait. À partir de l'indépendance, on trouve un pays, donc la Bolivie telle qu'elle est définie, mais plus large, puisqu'elle va connaître des guerres, et en particulier la guerre du Pacifique entre 1879 et 1883, après toute une période avec des coups d'État et des caudillos successifs, une guerre qui reste aujourd'hui un souvenir dramatique et qui pèse beaucoup sur la mémoire collective. Qu'est-ce que c'est que cette guerre du Pacifique, 1879-1883? Mais c'est une guerre, effectivement, qui va priver la Bolivie de son débouché sur la mer, c'est-à-dire, effectivement, de ce contrôle d'une partie importante de ce qui faisait la fonctionnalité de cet espace. Parce que quand Potosi fonctionnait, les produits arrivaient par la mer, le plus souvent par le port d'Arica, qui est aujourd'hui un port chilien. Et donc, cette guerre va être une guerre entre le Pérou et la Bolivie d'un côté et le Chili de l'autre. C'est une guerre à la fois de territoire, de mines. Il y a évidemment des richesses importantes. Et à l'issue de cette guerre, le Pérou va perdre une partie de son espace, et tout à fait au sud du pays. Et puis la Bolivie va perdre complètement son accès à la mer, les quelques centaines de kilomètres qu'il avait à Antofagasta, dans cette région. Et donc, il va se trouver amputé. Cette amputation, d'ailleurs, n'est pas la seule, hein, puisque aujourd'hui, la Bolivie fait 1 100 000 km² à peu près. Deux fois la France, à peu près. Deux fois la France. Mais il a perdu là, il a perdu en direction du Brésil, il a perdu en direction du Paraguay, il a perdu des territoires sans arrêt. Il était au départ, c'était pas tout à fait contrôlé, mais c'était 2 000 000 km². Et petit à petit, le pays a perdu pas mal de son espace, notamment dans les basses terres. Alors il y a une formule qui fait florès apparemment en Bolivie. Le président qui obtiendra la mer restera 20 ans de plus au pouvoir. Comme je disais tout à l'heure, il y a une espèce d'idée un peu d'enfermement. Et une aspiration, voilà, une requête auprès du Chili d'avoir le droit de passer au nord par le désert. Et il y a eu d'ailleurs un effort auprès des instances judiciaires internationales, la haie, etc., tout récemment. Tout récemment, en 2013, et puis finalement, les choses n'ont pas débouché en tant que négociation territoriale, mais il y a déjà pas mal d'accords pour le passage des marchandises, il y a des accès organisés. Et de fait, tous les ans, il y a Jour de la mer, le 23 mars. Hein. Eh bien, je vous propose un reportage, justement, à ce propos. C'est un reportage de Reza Nourmahmoud à La Paz, où les Boliviens célèbrent ce Jour de la mer. On est dans le 5-7 de France Inter, le 3 mars 2014. État-major au garde-à-vous, gouvernement au complet et défilé obligatoire pour les fonctionnaires et les écoliers du pays, le Jour de la mer mobilise ici toute une nation. La Bolivie a perdu ses 400 km de littoral au profit du Chili lors de la guerre du Pacifique en 1879. Aujourd'hui encore, elle réclame à son voisin un accès souverain à la mer, s'estimant notamment lésée dans son développement économique. Le retour à l'océan est ici un devoir patriotique, et dès l'école, chaque petit Bolivien apprend que le Chili l'a injustement privé de connaître les bénéfices des pays maritimes. Edson Marquez. Depuis que j'ai l'âge de raison, nous célébrons ce jour, et j'ai 34 ans. La Bolivie était plus grande avant. Il n'y a pas que le Chili, beaucoup d'autres pays nous ont pris des terres. Comme tout Bolivien, je voudrais retourner à la mer, récupérer un accès maritime. C'est ce que nous désirons le plus. Les discussions bilatérales sur le dossier maritime ont été entamées il y a quelques années. Mais devant l'absence de résultats, la Bolivie a changé de stratégie et a déposé en avril dernier un recours devant la Cour internationale de justice de La Haye pour forcer Santiago à négocier. Evo Morales espère également que le retour au pouvoir de la socialiste Michelle Bachelet au Chili crée une atmosphère plus positive entre les deux nations. De son côté, le Chili a prévenu qu'il ne dialoguerait pas sur le sujet tant que la Bolivie maintiendrait son recours devant la Cour internationale de justice de La Haye. Il faut dire que le recours a été perdu. Oui, le recours a été perdu. Mais l'idée de l'accès à la mer reste présente. Et tous les 23 mars... Le président bolivien va sur une place, une très jolie place à La Paz, qui s'appelle la place Abaroa. Abaroa, c'est un des héros de la guerre du Pacifique. Et bien précisément pour rappeler la revendication bolivienne sur l'accès à la mer. Enfin, ce rétrécissement du pays, c'est le fruit de la période qui suit l'indépendance. Ça n'était pas le fait de la période espagnole. Et exactement, c'est-à-dire qu'à partir de 1780, et des révoltes... Au fond, il y a une instabilité qui dure pendant longtemps. Même quand l'indépendance apparaît, les choses sont compliquées. Et en réalité, ça a été l'une des sociétés les plus perturbées, les plus troublées, les plus bouleversées après l'indépendance, parce qu'il n'y avait aucun groupe dirigeant qui parvenait à se faire reconnaître, à faire reconnaître son autorité. Il y a même un penseur, écrivain bolivien qui s'appelle Alcides Arguedas, qui parlait d'un pays invertébré, c'est-à-dire qu'il y avait des forces centrifuges, hein, le Piémont, les différentes parties des hautes terres qui faisaient que... et puis, bien entendu, une présence indienne très forte, avec des révoltes... Avec l'opposition héritée entre l'Est plus riche et l'Ouest, au contraire, occupé davantage par les Indiens. Bien sûr, tout à fait. Et puis alors évidemment, cette opposition va s'accroître au XXe siècle avec le pétrole et le gaz. Et puis, donc, pendant tout ce XIXe siècle, on est face à des caudillos, à des chefs de guerre qui ont donné beaucoup lieu à des romans de la littérature romanesque, mais et qui sont toujours un peu appuyés par des Indiens, des masses indiennes certaines, et puis qui sont l'émanation de la post-indépendance, parce que quand même, l'indépendance c'est une affaire de soldats, c'est des affaires d'armée. Donc le caudillo, même quand les armées sont pas complètement régulière, c'est un chef de guerre en même temps. Il y a donc des personnalités un petit peu, même qui sont presque pittoresques, et certaines anecdotes apocryphes sur des gens comme Melgarejo, qui était quelqu'un qui, disait-on, faisait fusiller sa chemise parce qu'il n'avait confiance en personne. C'est presque le général Alcazar. Il y a un côté comme ça. Tapioca et Alcazar. Il y a un côté comme ça. Vous savez qu'en 1870, il admirait beaucoup Napoléon III. Quand il a su que la France avait perdu face à la Prusse, il a décidé que la Bolivie allait envoyer un corps expéditionnaire pour appuyer la France. Alors un général lui a dit, mais tout ça est compliqué, tout ça est loin. Et il aurait répondu, on trouvera un raccourci. La dernière réduction, le dernier drame en termes d'espace, ça a été la guerre du Chaco dans les années 30, dont on oublie souvent à quel point elle a été, comme la guerre du Pacifique, d'une effroyable brutalité, avec un tiers des combattants qui ont été tués, là encore. Absolument, il y a eu 60 000 morts dans la guerre du Chaco pour la recherche de champs pétrolifères, mais ce sont les grandes compagnies qui disaient qu'il y avait des champs pétrolifères. La guerre entre la Bolivie et le Paraguay. La guerre entre la Bolivie et le Paraguay, qui a fini, après d'épouvantables souffrances, par la défaite de la Bolivie, les soldats venant des hautes terres, entrant dans ces terres chaudes et basses, puisqu'il s'agit, le Chaco, c'est bien en bas, dans la partie tropicale, dans le piémont tropical. Et effectivement, c'est une guerre importante parce qu'elle est très démoralisante. Elle donnera d'ailleurs un peu la révolution de 1952, parce que là, il y a des choses qui se passent dans la conscience nationale, sur les élites qui sont importantes. Voilà. Et puis, elle est importante aussi parce que 1933-1936, c'est une période en quelque sorte de... disons les choses tristement, de galop d'essai pour des armes qui vont servir ailleurs. C'est une des guerres qui marque l'avant de la Deuxième Guerre mondiale. Pour rester encore dans l'œuvre immortelle d'Hergé, c'est Zaharov, dit Bazarov, le marchand d'armes qui passe d'un pays à l'autre. Exactement. Et alors il parle du grand chapeau, Hergé. Et effectivement, le démarquage est immédiat et compris par tout le monde. On est juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons évoqué abondamment l'argent, il y a aussi l'étain, le pétrole, et puis cette continuité que représente la coca. Je voudrais qu'on s'y attarde un instant, parce que s'il y a dans la longue durée quelque chose qui constitue une sorte de fil directeur, c'est bien les relations avec cette plante spécifique. La coca, elle s'enracine dans le début de notre conversation, pratiquement, sur le Tahuantinsuyo, c'est-à-dire l'empire des quatre parties, dont... des Incas, dont la partie de la Bolivie, c'est le Collasuyo, c'est-à-dire la partie bolivienne, et puis même à Tiahuanaco, c'est-à-dire que déjà on contrôle... Avant l'Empire Inca, déjà on contrôle des vallées chaudes où on produit de la coca, notamment les vallées des Yungas, qui sont effectivement ces vallées où on accède à toute vitesse par des autobus. Je peux en témoigner, je l'ai vécu de la même façon. Et très vite, on passe la cordillère et on descend très vite. Et effectivement, les populations d'alors avaient le contrôle, essayaient d'avoir le contrôle de ces étages écologiques pour avoir la coca et d'autres produits tropicaux qui étaient un élément à la fois rituel, puisque il y a toute une discussion pour savoir si c'était seulement la noblesse qui en avait le monopole, ou si ça se partageait, ou si cette noblesse la donnait à d'autres. En tout cas, c'était un élément essentiel, très tôt, de réciprocité, du lien social, de médiateur dans la relation entre les populations indiennes. Et en même temps, c'est une sorte de médicament qui permet de supporter le travail à une hauteur qui est très difficile à supporter pour l'organisme humain. Exactement. Et il y a, avec l'arrivée des Espagnols... Alors, la coca est déjà au cœur de tout le dispositif culturel et de culture au sens des cultivateurs indiens. Et puis, la conquête espagnole fait qu'il y a une production de coca qui augmente énormément parce que c'est à la fois un aliment et effectivement un stimulateur qui permet de supporter tout cela. Et donc, il y a quelque chose qui intervient dans la culture andine qui donne lieu à une production onéreuse, qui coûte de l'argent. Au début, dans les années 1560-70, au début de Potosi, la coca, ça représente la même chose en termes monétaires que l'argent lui-même. Alors quel est le passage entre coca et cocaïne? Qu'est-ce que ça signifie en termes sociaux et financiers? Alors précisément, pendant très longtemps, la coca, c'est une plante qui n'a pas d'autre effet, en quelque sorte, que celle de la plante d'origine. Et puis, à partir de la fin du 19e siècle, les choses se transforment. Et on va la transformer dans cet alcaloïde qui est la cocaïne, qui, elle, est une drogue directement. Avec très vite le commerce. Avec très vite le commerce. Le narco-commerce qui vient plus tardivement encore. Mais enfin, déjà, on est au XXe siècle. On est au XXe siècle quand la cocaïne rentre dans cette logique. Alors là, la Bolivie va être effectivement au cœur de la problématique parce que elle est au départ le grand producteur de coca. Là, on est dans les années 60, 70, et on ne la raffine pas vraiment. Il y a ce qu'on appelle la pasta básica, c'est-à-dire qu'on en fait une première transformation, mais c'est ailleurs, dans d'autres laboratoires, plus au nord d'ailleurs, que ça devient la cocaïne. Alors qu'il n'y a plus l'argent et plus l'étain, parce qu'il y a toute la période de l'étain, de la grande production minière de l'étain au XXe siècle, jusqu'en 1970-80, eh bien, il y a la coca. Il y a un appel d'air, un effet de remplacement. Avec, compte tenu de l'instabilité politique, dans les années 70, des gouvernements militaires narco, en quelque sorte. Et donc, il y a cette mauvaise réputation, en quelque sorte, qui est donnée par la cocaïne. Mais il faut faire attention de ne pas confondre coca et cocaïne. Oui, vous évoquez, Yves Saint-Jour, vous évoquez les dictateurs successifs. Il y en a un qui est resté fameux, qui est Banzer, des années 70. Je trouve qu'il porte un nom, on revient à Tintin, on pourrait bien le voir dans le sceptre d'Ottokar, quelque chose qui est entre un nom de nazi ou de fasciste. Et d'ailleurs, c'est le temps, bien sûr, où la Bolivie accueille les réfugiés nazis, le plus célèbre étant bien sûr Klaus Barbie. Il faut évoquer ça. Je ne sais pas comment la Bolivie éprouve à ce moment-là ou éprouve aujourd'hui le souvenir de cette période. C'est une période effectivement d'une extrême instabilité. Les ressources habituelles du pays ont disparu. Il n'y a pas de véritable articulation socio-politique, ou plutôt si celle qui existait, qui a été celle de la révolution de 1952, qui a permis la nationalisation des mines et la réforme agraire. Un moment essentiel, tout à fait essentiel. Qui vient s'insérer entre plusieurs dictatures. Absolument, tout à fait essentiel. C'est-à-dire que c'est la plus grande révolution en Amérique, avant Cuba, bien sûr, et depuis celle du Mexique en 1910. C'est une révolution sociale qui redistribue les terres et qui nationalise les mines, et notamment les mines d'étain. Et qui, naturellement, pour Morales aujourd'hui, est une référence. C'est une référence, tout à fait. Et en même temps, c'est compliqué parce que elle a abouti dans les années 70 à son propre épuisement. Et ce sont d'ailleurs les mêmes présidents qui avaient présidé aux nationalisations, Victor Paz Estenssoro, Hernán Siles Zuazo, qui ont défait ce qu'ils avaient fait quelques 20 ans auparavant. On est dans un contexte très particulier qui est celui de la dérégulation, de la privatisation dans les années 70-80. Et auparavant, il y a évidemment l'épisode de Che Guevara, sur lequel il faut s'attarder un instant, et de son compagnon Régis Debray, qui a été emprisonné à Camiri, comme on sait, après la mort de Guevara. Il faut qu'on entende la voix de Régis Debray si on parle de la Bolivie. Alors la voici, il est interviewé par Dominique Rousset dans un été avec Régis Debray sur France Culture le 2 août 2009. C'était mon premier contact avec ce qu'on appelle la condition ouvrière, mais c'était celle du 19e siècle en fait. Et c'était une sorte de république autogérée, anarcho-syndicaliste, de mineurs, qui avait le radio, qui avait une forme de vie communautaire, mais un peu comme une enclave autogérée, avec des milices, une défense armée, des sites, et des conditions de vie effroyables. Je suis effectivement descendu dans la mine et j'étais très frappé par les petits cercueils blancs qui circulaient tout le temps, qui étaient les petits enfants qu'on enterrait. Puisqu'il y avait une mortalité infantile terrible. La mort était omniprésente. C'est vrai que c'était à peu près 35 ans, la moyenne d'espérance de vie. Et c'était surtout des gens formidables, je veux dire, où étaient très présents encore les souvenirs de la guerre d'Espagne, puisqu'il y avait d'anciens républicains espagnols. Il y avait là une ferveur, une fraternité, un combat commun, des valeurs partagées, d'ailleurs sans grandes phrases, un coude à coude qui m'a marqué, oui. Les choses, il faut se les rappeler simplement. On est après la révolution à Cuba, hein. On est pendant la guerre du Vietnam. Et on est à un moment donc où cette lutte contre l'impérialisme, cette possibilité de faire la révolution existe. Alors pourquoi spécialement en Bolivie ? Alors spécialement en Bolivie parce que dans l'esprit de Guevara, il dit qu'il faut créer de nombreux Vietnams. Il pense que la Bolivie, et notamment là où il va aller, peut s'y prêter. Parce que c'est ce lieu central, parce qu'il est articulé avec d'autres pays, où il y a dans les villes des groupes qui peuvent éventuellement l'appuyer. Parce qu'il est vide, il y a très peu de monde. Et donc il y a un espace où essayer de construire un foyer révolutionnaire comme on l'a fait à Cuba, oui, dans la Sierra Maestra. 11 millions d'habitants sur un territoire qui est deux fois la France, ça donne une idée de voilà. La dispersion. Et à cette époque, il y en avait moitié moins. Et ils étaient concentrés, pour la plupart encore une fois, dans les hautes terres. Et puis il y a une tradition, alors quand on lit les livres, de révoltes indiennes, mais tout ça... Ça n'a pas marché néanmoins, il n'y a pas eu de soutien vraiment de la population. Ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas du tout marché parce que, d'une part, des réformes avaient été faites et effectivement, les Indiens pouvaient être devenus propriétaires. Depuis 52. Ensuite, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné du tout, c'est qu'il y avait un parti communiste en Bolivie et qu'en réalité, tout de suite... Ça n'a pas fonctionné avec le Parti communiste, parce que le Parti communiste, lui, était resté fidèle à une autre vision de la révolution, qui était le parti, les classes, le parti de classe, etc. Tandis que, comme l'a dit très bien Régis Debray dans son livre « Révolution dans la révolution », on change de méthode. On fait le foyer révolutionnaire dans un endroit privilégié, et à partir de là, on va remporter des victoires militaires, et petit à petit, on va faire adhérer la population. Ça n'a pas marché du tout. Et lui-même en a payé le prix, puisqu'il a été emprisonné pendant 4 ans. Il est prisonnier, arrêté prisonnier avant la mort de Guevara, qui a lieu à Camiri. Et il reconnaît le courage de Régis Debray. Et Régis Debray, alors, après, dans les livres qu'il a écrits, notamment dans « Loué soit nos seigneurs », il dit... C'est un très beau livre, d'ailleurs. Qui est un très beau livre. En initiation. Et qui a un écho dans le dernier livre qui vient de paraître, d'un siècle à l'autre. Voilà. Et il dit très clairement, et il le dit, il y a le Cubain qui est un politique et qui veut durer, et puis il y a l'Argentin, Che Guevara, qui est un mystique et qui veut mourir. Terminons notre propos, si vous le voulez bien, Yves Saint-Jour, en évoquant la période Morales. Il faut que nous comprenions pourquoi et comment ce leader indien a pu émerger, c'est un cas, nous le disions en commençant, rare, et comment il a pu prendre le pouvoir, l'incarner à partir de 2006, et comment peut-être les derniers malheurs qu'il a rencontrés en 2019... quand il a dû quitter le pouvoir. Comment tout ça s'est passé ? Qu'est-ce que ça signifie du point de vue de cette longue durée de la Bolivie considérée comme une terre indienne ? Je reviendrai presque à Bolivar. À Bolivar, dans un discours célèbre qui fonde un petit peu ses idées politiques, le discours d'Angostura en 1819, il dit que les Indiens, ils sont presque disparus, anéantis, il dit. Ils sont presque anéantis. Mais il n'est pas encore allé dans le sud. Il n'a pas encore rencontré les Indiens. Et les Indiens, ils commencent tout à fait au sud de la Colombie, puis en Équateur, au Pérou et en Bolivie. Et donc, il y a cette terre indienne. Oui, ils ont été tués pour l'essentiel en Argentine. Mais et même au Chili, il y a très peu, sauf en Patagonie. Très peu. Et là, il y a cette terre indienne qui est restée indienne et qui, malgré toutes les réformes libérales, parce que dès 1824, on supprime les communautés, mais 150 ans après, elles existent toujours. Y compris dans la constitution de... Et voilà, c'est-à-dire... Et donc, il y a cette espèce de résilience fondamentale qui est là, premièrement. Deuxièmement, de fait, à partir de là, il y a toujours eu, même si la démocratie s'est étendue, même s'il y a eu la révolution en 1952, si certaines richesses ont été redistribuées, un élément fondamental d'exclusion, d'exclusion politique. C'est une minorité d'origine espagnole, éventuellement portugaise, métisse, qui termine, on dit qu'il y a 30% de métis. Oui. Morales lui-même est peut-être métis. Sans doute. Je ne peux pas l'affirmer, mais en tout cas, c'est logique qu'il puisse être métis. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils ont été exclus du pouvoir. Jusqu'en 1952, à la Révolution, c'est Morales qui raconte ça. Sur la place centrale, ils n'avaient pas le droit d'entrer, les Indiens en poncho. Ils devaient être habillés en occidental. Et les femmes avec leurs chapeaux melons. Voilà, exactement. Et donc, quand Morales va être élu, et il va amener avec lui des hommes, et des femmes, beaucoup de femmes, au Parlement, alors ils sont arrivés avec leurs chapeaux melons, leurs polleras, leurs jupons, etc. Ça a été un choc, et un choc terrible pour une oligarchie qui ne voyait pas du tout son pays comme ça. Et il faut savoir que ça se passe en Bolivie, mais ça se passe ailleurs. C'est-à-dire que, avec d'autres formes, ce qui se passe au Brésil avec Lula, c'est presque contemporain. Oui, mais ce n'est pas un Indien. Non, c'est pas un Indien. Mais le fait qu'il y a une deuxième indépendance, en quelque sorte, avec une société nationale, c'est-à-dire une société qui englobe, qui inclut l'ensemble de la population, qui valorise évidemment la partie qui a été longtemps opprimée. L'épuisement des solutions politiques, économiques, a fait que petit à petit, parce que quand même le pays se développait, il y avait quand même une alphabétisation, il y avait quand même le résultat de longue durée de ces nationalisations, petit à petit, tous ces gens-là sont devenus des citoyens. Alphabétisation qui est un fruit précieux de la révolution de 52. Exactement. Et de l'arrivée des classes populaires au pouvoir. Et donc, petit à petit, eh bien, tous ces gens devenus citoyens, une fois les espoirs révolutionnaires passés, on n'est plus du tout à la même époque, on est à la fin du 20e siècle, au début du 21e, eh bien, Des hommes nouveaux apparaissent, et c'est le cas en Équateur. Morales est un syndicaliste à l'origine, qui émerge par le syndicalisme. Malheureusement, nous sommes au bout de l'émission, mais un mot tout de même pour finir, Yves Saint-Jour, sur les derniers événements, parce qu'il y a eu cet épisode du départ forcé de Morales, conséquence probablement d'un certain nombre de comportements un peu bizarres sur le renouvellement de son mandat possible, un quatrième mandat. Et puis, après un an à peine, le retour de son ancien bras droit, qui est maintenant au pouvoir. Comment interpréter tout ça sous l'éclairage de cette spécificité indienne de la Bolivie ? Après des décennies d'instabilité, Evo Morales va apporter une stabilité, puisqu'il va être président de début 2006 jusqu'à fin 2019. Bon. Et il va remplir la promesse, d'une certaine façon, d'une intégration des Indiens à la nation. C'est tout à fait clair, puisque la pauvreté diminue de 60 et quelques pourcents à 35%, qu'il y a beaucoup moins d'analphabètes, etc. Il y a une croissance économique permanente presque jusqu'à la fin de ses mandats. Donc l'accident, c'est un comportement, parce qu'il fait un référendum. Mais on est face à quelque chose aussi qu'on connaît en Amérique latine, c'est-à-dire un certain type de caudillisme et de populisme. Et le populisme, c'est quoi ? C'est l'homme un peu providentiel, sans intermédiaire avec le peuple. Et donc, je suis l'incarnation du peuple. Le peuple a toujours raison, j'ai toujours raison quand je dis quelque chose. Il y a un côté comme ça. Malgré la constitution que j'ai fait adopter, dépasser mon troisième mandat pour en faire un quatrième, je fais un référendum qui en plus échoue. Ah, qui échoue ? 51,3% non, c'est son premier échec électoral, c'est un échec clair. Et alors le populiste trouve une idée assez étrange, il demande au tribunal constitutionnel de dire que la limitation du nombre de mandats est contraire aux droits humains. Voilà, exactement. On excipant d'une charte américaine qui dit que tout homme a droit à être candidat et élu, et donc et qui s'imposerait à la Constitution. Et c'est à ce moment-là qu'il est obligé de quitter le pouvoir. Oui, parce que ça va beaucoup moins bien économiquement et socialement. Il perd l'appui notamment de des syndicats, la fameuse COB. L'armée va lui demander de partir. Alors, on sait plus tout à fait comme dans les années 70. D'ailleurs, il n'y a pas des chars partout, mais quand même, ça se passe ainsi. Et donc, il est allé trop loin dans cette volonté de se pérenniser. Mais les éléments fondamentaux de ce qu'il a mis en place. Eux, ils restent. Cette intégration sociale, cette articulation économique, c'est parce qu'il n'a pas, il a nationalisé le pétrole et le gaz, mais il n'a pas du tout détruit l'économie de marché. Et donc, un an plus tard, eh bien, il y a un retour par Luis Arce de cette évidence que les classes moyennes nouvelles, eh bien, ont revoté vers le socialisme. Il faut dire que la présidente intérimaire dans l'intervalle a eu des propos qui étaient vraiment au sens propre réactionnaires, puisqu'elle expliquait qu'il fallait empêcher Morales, ce pauvre Indien accroché au pouvoir, de ressurgir. Mais elle parlait du retour au pouvoir des sauvages. Mais c'est tout à fait clair, rien n'a pris, rien oublié. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette vieille oligarchie qui s'estime légitime au pouvoir, même 15 ans après, une partie d'entre elles en tout cas, et qui n'a pas voulu comprendre. En plus, la gestion à la fois de la pandémie, parce que la Bolivie est très touchée, de l'économie, corruption, etc., fait que le legs de Morales a été évidemment repris, et en allant bien au-delà de ce qui était imaginé, parce qu'on ne pensait pas que cette victoire serait aussi nette et au premier tour, eh bien... Arce, qui est son ancien bras droit, qui a dit d'ailleurs qu'il allait gouverner lui-même, même s'il écouterait attentivement les propos. Mais Morales est rentré quand même. Il est rentré. Eh bien, donc, en définitive, les Indiens, dans cet état, c'était la ligne de notre conversation, Yves Saint-Jour, dont je vous sais gré, les Indiens retrouvent symboliquement le pouvoir. Ils sont dans cet état plurinational, pluriculturel qu'est la Bolivie et qui a été incarné par Morales, qui est aujourd'hui incarné par Luis Arce. Et donc, cette victoire qui n'est pas seulement indienne, hein, c'est une nation nouvelle, elle est réelle. Merci beaucoup Yves Saint-Jour. Je fais référence à deux ouvrages important, déjà un peu ancien, mais qu'on peut facilement se procurer, dû à votre plume, La vie quotidienne en Amérique hispanique, au temps de Bolivar. Et puis vous avez, avec François Chevalier, contribué à redonner forme et actualité historiographique à la nouvelle Clio consacrée à l'Amérique latine de l'indépendance à nos jours. Vous trouverez une bibliographie plus complète sur notre site, avec notamment les références aux ouvrages de Régis Debray, que je citais tout à l'heure. Et vous aurez accès aux références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez bien sûr écouter, réécouter et podcaster cette émission. Vous êtes de plus en plus nombreux, on me le dit, à le faire et je vous en remercie. Samedi prochain, nous irons loin en arrière et nous reviendrons vers l'Europe puisque nous évoquerons les relations entre la guerre et la démocratie en nous concentrant sur le cas particulier d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, en particulier à la fin de la guerre du Péloponnèse. Et je considérerai ces questions avec Vincent Azoulay. Eh bien, c'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec Yves Lehors à la prise de son, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Véronique Jolivet. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine O'Krent pour Affaires étrangères. Puniu ampastua puli wartulina, kumata puniu ampastua puli wartulina. Wartulina, wali puni sam kasistwa, wala manan.